toi et moi dans le jardin d'Éden. Nicole Bien. Main dans la main, on marchait dans tous les sens en contemplant la nature. Et la nature s'étonnait de notre couple comme on était heureux, toi et moi, Nicole. Devant un petit ruisseau, on s'est assis et on s'est embrassé. Si Bernard, c'était l'apothéose de mon rêve. Jamais je n'étais si heureux, John Moana Cameroun. Devant un petit ruisseau, on s'est assis et on s'est embrassé. Si Bernard, c'était l'apothéose de mon rêve. Jamais je n'étais si heureux, John Moana Cameroun. Na komi mayanga na kokufa e na tomo elo we